الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés au 20e dars de cette série de leçons sur l'itqan de l'imam Suyuti. Nous avons terminé le chapitre sur les sciences relatives à l'agencement textuel et vocal du Coran, le tartil. Nous traiterons, inshallah, un nouveau chapitre, les sciences relatives à la compilation du Coran, Tadwin. Ce chapitre se divise en quatre sous-chapitres. La réunion du Coran, l'enregistrement du Coran, du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis les recensions à l'époque d'Abu Bakr, à l'époque de Uthman. L'agencement des éléments du Coran, l'ordre des sourates et des versets, le nombre des éléments du Coran, le nombre des sourates, le nombre des versets, et enfin la graphie du Coran, rasm. La réunion du Coran, nous en avons déjà parlé, dans le chapitre du Tartil. Nous avons parlé de l'enregistrement du Coran du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de la recension du Coran à l'époque d'Abu Bakr, de la recension du Coran à l'époque de Uthman, les mushaf uthmaniens. Pour des raisons pédagogiques, nous l'avons joint au chapitre sur les qira'at. Nous allons traiter maintenant le chapitre sur sur l'agencement des éléments du Coran, la division du Coran en sourates, en versets, l'ordre des sourates, la définition du mot sourate, du mot aya. Nous allons traiter la question du nombre, le recensement des sourates et des versets. Et nous allons, inchallah, traiter la question de la graphie. La graphie, nous en avons parlé durant les cours précédents. Vous savez, les thèmes, les sciences du Coran sont liées les uns aux autres. Et chaque thème, chaque sujet conduit à l'autre. Les traiter isolément perturbe l'étudiant et lui fait perdre l'enchaînement des idées. Bon, nous allons donner, Inch'Allah, encore plus de précisions sur la graphie, sur le rasm, l'Uthmani. Alors, ce chapitre qui est l'Ulum Tadwin, les sciences relatives au Tadwin, correspond dans l'Itqan au 17e chapitre, Fi Ma'rifati Asma'i wa Asma'i Suwari, connaissance des noms du Coran et des noms des sourates, au chapitre 18. Fi jam'i wa tartibi, la recension du Coran et l'agencement des sourates et des versets. Et il correspond aussi au 19e chapitre de l'Itqan. Fi adadi suwarihi wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi, nombre de ces sourates, de ces versets, de ces mots et de ces lettres. Alors, Suyuti, il a commencé le 17e chapitre de son Itqan par une phrase dite par le penseur Al-Jahiz. Jahed, il est né en 150 de l'Hégire. Il est à peu près 12 siècles, 12 siècles et demi, à l'époque des Abbasides. C'est un Mu'tazilite, mais les savants de la Sunna savent prendre la sagesse de qui que ce soit. Al-Jahed est certes un Mu'tazilite, mais sa spécialité c'est la philologie, l'art de la rhétorique, la poésie. Il est aussi un chercheur, un scientifique, connu pour son livre Kitab al-Hayawan, le livre sur les animaux, et son livre Al-Bayan wa Tabiyin, c'est l'une des quatre références dont le philologue ne peut pas se passer. Comme a dit Ibn Khaldun, rahimahullah. Al-Bayan wa Tabiyin. Les autres références sont Adab al-Katib d'Ibn Qutayba, Aqd al-Nawadir l'Abi Ali al-Qari, et le Kamil l'Mubarrad. Donc, le Jahad, certains Mu'tazilites, mais les gens de la Sunna savent prendre la hikma de qui que ce soit, de n'importe quel musulman, même s'il appartient à une secte. De toute façon, il est connu pour sa poésie, il est connu pour les spécialistes dans le domaine de la poésie, de la rhétorique et de la philologie. Quelle est cette phrase de Jahad? الجحد ذي سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامه سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل. الله donné à son livre un nom différent de celui que les arabes dans l'islam, les arabes donnaient à leurs paroles, que ce soit dans l'ensemble ou dans le détail. قال سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا. Il a appelé l'ensemble réunissant sa parole Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé l'ensemble de ses propos Coran, tandis qu'il l'avait appelé Diwan. Les Arabes avaient appelé leurs paroles dans un ensemble, dans un livre, si vous voulez, ils l'ont appelé Diwan. Puisque le Diwan, c'est quoi? C'est un ensemble de poèmes. Il a appelé وبعد الذي سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا وبعضه سورة كقصيدة. Il a appelé une partie du Coran sourate, tandis qu'ils avaient appelé une partie du Diwan un poème. Le Diwan, c'est un ensemble de poèmes. وبعضها آية كالبيت. Il a appelé une unité d'une sourate آية, verset. Eux ont appelé l'unité d'une qasida, d'un poème, un bait, ça veut dire vers. Wa akhiruha fasilatan kal qafiya. Et il a appelé la terminaison d'un verset fasila, clausule, tandis qu'ils ont appelé la terminaison d'un vers qafiya, la rime. Donc le Coran s'est distingué de la poésie arabe même dans les noms de ses parties. D'accord? Il s'est distingué de la poésie arabe, même dans les noms, c'est-à-dire le même dans les noms de ses parties, de ses sourates et versets, et aussi dans son ensemble. Que vise l'islam par là? Diwan, chez les Arabes, Coran, les musulmans. Qasida, poème. Sura, bayt, vers. Aya, verset. Qafiya, rime, fasila dans le Coran. L'islam, qu'est-ce qu'il vise par là? Il vise à opérer un bouleversement de la situation chez les Arabes, un changement de la aqida, passage du shirk au tawhid, un virage à 180 degrés, changement de conception, changement de comportement, changement d'objectif, changement de vision, d'habitude. Vous savez, la poésie chez les Arabes, c'est leur histoire, c'est leur fierté, c'est leur culture, leur vie, au point où ils suspendaient solennellement leurs poèmes, ou les poèmes les plus éloquents au mur de la Kaaba. Le Coran les a défiés dans leur terrain favori, l'art de l'éloquence. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la fiabilité d'un défi. Il leur a apporté quelque chose de nouveau dans leur domaine. Dans leur domaine. Vous dites qafila, qafiya, fasila. Bayt, vers de poème, aya. Qasida, poème, surat. Diwan, Coran. Quelque chose, il leur a apporté quelque chose de nouveau. Dans leur domaine, quelque chose qui n'est pas de la poésie et qui n'est pas de la prose, mais plus éloquente, plus esthétique encore. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, cela ne saurait lui convenir. Allah a nié, elle a exempté le Coran de la poésie et il a nié l'existence de la poésie en son prophète. Ce n'est pas un défi, un tahaddi, un défi gratuit. Ce n'est pas du genre défier pour défier. Tout simplement, non. Le Coran n'a jamais dérogé à sa condition. Et la parole de ton Seigneur a atteint sa perfection en tant que vérité et justice. Rien ne peut modifier ces paroles. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. C'est pas genre défier pour défier comme ça. Non. Comme j'ai dit, le Coran est resté au plus haut niveau. صدق وعدل. La mubaddila li kalimat. Rien ne peut modifier ses paroles. C'est-à-dire, vous ne pouvez changer ses paroles et ses sentences. Et aussi, vous ne pouvez pas trouver de badil, de substitut meilleur que ce Coran. Hein? Vous ne pouvez pas le remplacer. La sourate. Le Coran, nous l'avons défini. Nous avons déterminé son étymologie, nous avons cité certains de ses noms, hein, Kitab, Furqan, Tanzil, Bayan, Burhan, et il y a d'autres noms et qualificatifs du Coran, comme Kalamullah, Nour, Ruh, wa kadhalika anzalna ilayka ruhan min amrina, Mawa'iza, qad ja'atkum mawa'izatun min rabbikum, un shifa wa shifa'un lima fi soudour, aussi s'appelle shifa, s'appelle exhortation, s'appelle remède, il s'appelle zikr, wa hadha zikr mubarakun anzalna, rappel, il s'appelle hikma, il s'appelle habl, il s'appelle wahi, il s'appelle haqq, balagh, sirat mustaqim, tout cela sont les qualificatifs du Coran. Alors la sourate, on va le définir. La sourate, étymologie de la sourate, certains lui ont donné une étymologie que les savants considéraient comme faible. Ils ont dit que sa racine, la racine du mot surat, c'est le nom su'ar. Su'ar, donc sur, sura, su'ar, avec la hamza. Mais aucun des arabes n'a appelé surat su'ara. Aucun des qurra, aucun qari n'a récité su'ara au lieu de sura. En plus, su'ar veut dire ce qui reste d'un verre après l'avoir bu. C'est ça le su'ar, résidu. Et ils disent, une partie, su'ara du Coran, ça veut dire une partie du Coran. Or, cette étymologie est péjorative, si vous voulez. Elle ne convient pas à la grandeur du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sura peut dériver soit du mot as-sur, et ça même si on le cite, on parle. Sur, c'est-à-dire une limite, une frontière. Sur, c'est une frontière entourant des choses qui sont agencées et organisées. Comme sur le Medina, le mur entourant la ville. Sur le Medina, le mur de la ville. Donc la ville, c'est des gens organisés et tout. Hein. Ils ont une activité, ils sont organisés, etc. Donc, la sourate entoure des versets et des mots bien agencés, bien structurés et harmonieux. Donc, cette étymologie s'applique au nom sourate. Sourate peut aussi dériver du mot siwar. Siwar, c'est quoi? C'est un bracelet, c'est un bijou. C'est un bijou en forme d'anneau, hein, qui se porte au poignet ou au bras. Il entoure. Regardez la notion de délimitation d'entourage. Il entoure. Quand nous avons dit sur, ça veut dire un mur qui entoure, une frontière qui entoure la ville ou un terrain. Et siwar, c'est un bracelet, hein, en forme d'anneau. Il entoure le poignet ou le bras. Hein? Donc, dans cette étymologie, il y a la notion de délimitation. Et il y a une notion esthétique. Hein? Parce que le siwar, c'est un bracelet, c'est un bijou. Siwar, il est beau. Siwar en or et en argent. D'accord? Donc, il y a une notion esthétique. Hein? Les sourates sont aussi belles les unes que les autres, comme des bracelets. Hein? Et sura aussi veut dire le rang élevé. Le rang élevé. Sura. Nabira, l'un des poètes de l'époque anti-islamique, Nabira, Ziyad ibn Muawiya Zubiani, c'est un sha'ir jahili, il est mort 18 ans avant l'égir, c'est-à-dire avant l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Alam tara anna Allah a'taka suratan, tara kulla mulkin hawlaha yatadabdabu » C'est-à-dire « Alam tara anna Allah a'taka suratan, n'as-tu pas vu qu'Allah t'a prodigué, t'a accordé un rang élevé, que tout royaume s'ébranle devant lui. Donc, surah veut dire rang élevé. Donc, on déduit de cette étymologie que chaque surah se distingue par ses propres caractéristiques, elle est sublime. Donc, il se distingue. Comment il se distingue? Puisqu'il est entouré d'une frontière, il est délimité, d'où la notion de d'où le nom sourd. Hein? Donc, il se distingue par ses propres caractéristiques, il est sublime. Hein? Et son sujet est sublime, son style est sublime et beau, hein? Puisque Sora veut dire rang élevé, et il est beau le côté esthétique, vu que ça provient aussi du siwar qui est le bracelet. Donc, si vous voulez, chaque surat est un des bijoux de la révélation. Ça, c'est concernant l'ishtiqaq, l'étymologie du mot surat. Bon, ce qui concerne sa définition conventionnelle, stalah, l'imam Suyuti, il a cité la définition suivante de l'imam al-Ja'bari. L'imam al-Ja'bari, il est connu, hein, imam Ibrahim ibn Omar al-Ja'bari Abu Ishaq, grand imam des Qira'at. Hein. C'est vers le 7e siècle de l'Hijr, c'est-à-dire le 13e siècle de l'ère chrétienne. Al-Ja'bari, il a dit, il a dit حد الصورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات. Il dit, on définit la sourate comme étant du Coran, des propos du Coran, ayant une introduction et une conclusion, et dont le nombre minimum est trois. Minimum trois sourates. Inna atainaka al-kawthar. C'est la plus courte sourate. D'autres l'ont défini, c'est toujours Suyuti qui parle, et dit, ils l'ont défini comme suit. As-sura at-ta'ifatul mutarjamatu tawqifan. Il a dit, la sourate est un morceau du texte coranique portant un nom déterminé par la révélation, déterminé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a, selon cette définition, les noms sont fixés par la révélation et non pas un résultat d'un ijtihad. Ils ne sont pas fixés par les compagnons ou les tabi'in. Hein. Et Suyuti, il a commenté cette définition en disant « وَقَدْ ثَبَتَ جَمِيعُ أَسْمَاءِ السُّوَرِ بِالتَّوْقِيفِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَ لَبَيَّنْتُ ذَلِكَ » Il a dit « Tous les noms des sourates reposent sur des preuves scripturaires » qui se trouve dans des hadiths prophétiques et des récits du compagnon. Il a dit, n'était-ce la crainte de trop prolonger ce livre, je l'aurai expliqué. Chaque sourate porte un nom. Donc, selon Suyuti, Tawqif, les noms du sourate sont déterminés par la révélation. Chaque sourate porte un nom qui la distingue des autres sourates. Hein? Et bien, certains sourates portent même plusieurs noms. La sourate al-Fatiha, c'est le prophète sallam qui l'a appelé al-Fatiha. Fatiha tul kitab. Suyuti, il a recensé plus de 20 noms de la Fatiha. Fatiha tul kitab, là, il y a des hadiths authentiques là-dessus. Hein, le hadith d'Ibn Abbas, rapporté par un muslim, Bainama Jibra'ilu qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant que Jibril était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه. Il entendit un bruit au-dessus de lui. Il leva la tête. فرفع رأسه جبريل. فرفع رأسه فقال. جبريل leva la tête et dit: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. Une porte du ciel vient de s'ouvrir et ne s'est jamais ouverte auparavant. فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. Un ange descendit de cette porte du ciel. Jibril dit, un ange est descendu sur terre, il n'est jamais descendu auparavant. فسلم وقال, cet ange là il salua le prophète sallam et Jibril et dit, أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. Et cette bonne nouvelle, tu viens de recevoir deux lumières qu'aucun prophète avant toi n'a reçues. La Fatiha, l'ouverture, et les derniers versets de la Sourate al-Baqara. لا تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Tu ne liras pas une seule lettre d'une de ces deux parties du Coran sans être exaucée, c'est-à-dire l'exaucement des invocations, enfin, selon une des interprétations de ce hadith, l'exaucement ici, c'est un exaucement des invocations qui se trouvent dans ces deux sourates. Ihdina as-sirata al-mustaqim, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dans sourate al-Baqara. Ça, c'est selon l'explication du Cheikh al-Utaymin, rahimahullah. C'est comme ça qu'il a expliqué tu ne liras pas une seule lettre de ces deux parties du Coran sans être exaucé, c'est-à-dire l'exaucement des invocations qui se trouvent dans ces deux parties, dans la sourate de l'Fatiha et dans la dernière partie du Coran. Elle s'appelle Fatiha al-Kitab. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre le texte coranique. Hein, Fatiha veut dire quoi? Veut dire ouvrir. Donc c'est une introduction du Coran. Et tous les masahif, tous les exemplaires du Coran commencent par la Fatiha. Donc, si on regarde le classement des sourates, c'est un classement par taille décroissante. Hein? Les sourates longues au début, puis les sourates moyennes, et enfin les sourates qui sont courtes. Mais là, la sourate al-Fatiha, qui est courte, a été placée au début du livre. Pourquoi? Pour mettre en valeur son mérite et qu'elle est l'introduction et l'ouverture du texte coranique. Elle s'appelle aussi Ummul Qur'an, la mère du livre, la mère du Coran. Hein? Ummul Qur'an. Et aussi Ummul Kitab, la mère du livre. C'est le prophète sallam qui l'a appelé Ummul Qur'an et Ummul Kitab. Il y a des hadiths qui le prouvent. Certains, par exemple, on peut citer par exemple le hadith d'Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Iza qara'tumul hamdulillah, faqara'u bismillahir rahmanir rahim, innaha ummul qur'an, wa ummul kitab, wa sab'ul bathani, wa bismillahir rahmanir rahim, ihdaha. » Il dit: « Quand vous récitez alhamdulillah rabbil alamin, c'est-à-dire la fatiha, bah récitez d'abord au nom de la basmala, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, elle est, c'est-à-dire la fatiha, elle est la mère du Coran, la mère du livre, et les sept mathani, les sept litanies, on va l'expliquer. La formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est l'une d'entre elles, c'est-à-dire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de la Fatiha. Ça, c'est une preuve pour les savants qui disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est une ayah, est un verset de la Fatiha. Est un verset de la Fatiha. Ce hadith, il est rapporté par Dar-Qutni, par al-Bayhaqi. Daylami aussi, il est authentique. On le trouve dans Silsilat al-Hadith Sahiha du Cheikh al-Albani. Il y a d'autres hadiths. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ummul Qur'an, wa Ummul Kitabi, wa Sab'ul Mathani. Hadith rapporté par Abu Daoud. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est la mère du Coran, la mère du livre et les sept litanies. La mère du livre, là, c'est, on passe de la position éminente de la sourate du Hamd du point de vue de la structure, Fatiha. Ouverture, hein? Le Fatiha en tête du Coran et l'introduction, là on passe de cette position dans la forme à une position éminente dans le fond. Ummul Qur'an, la mère du Coran, la mère du livre. Hein? La mère du livre, c'est la source. Mère, c'est la source. Les autres sont ses enfants. L'origine, c'est-à-dire les autres sourates sont les enfants de le Fatiha. Hein? Il est l'origine, la base. Comme le tronc d'un arbre et ses ramifications, les branches. Le tronc, c'est le Fatiha, et les branches sont les autres sourates. Et en effet, tout le Coran constitue les ramifications de la Fatiha. Il dérive de la Fatiha. Les sciences du Coran, ces thèmes, ne sortent pas de quatre thèmes, si vous voulez. Du Tawhid, de l'Aqida. Le Tawhid, nous cité dans l'Aspect, l'Aqida plus large, c'est-à-dire la foi en le jour dernier. Donc le tawhid, l'aqida, les lois et les prescriptions, hein, le licite, l'illicite, la prière, la zakat, les rites, etc. L'éthique, hein, l'éducation, le cheminement spirituel, soulouk, le comportement, la contemplation intérieure, tadabbur. Et aussi le quatrième thème, c'est les histoires des prophètes, leurs récits, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mathulat, les paraboles d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amthal, hein. Et la Fatiha, elle résume tout cela. C'est une sourate de synthèse. Hein. Louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi du jour de la rétribution. Hein? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Là, c'est l'unicité relative à la divinité, l'Uluhiyya Tawhid, Allah, louange à Allah. Hein? C'est-à-dire, Allah a le sens passif de Ma'louh, c'est-à-dire celui qu'on adore. Hein? Ma'louh, Aliha, ça veut dire aimer. L'Ouala, c'est le sommet de l'amour. Hein? Et Ma'louh, c'est donc celui qu'on aime et qu'on adore, puisque l'amour, c'est le pilier de l'ibada, de l'adoration. Hein? C'est-à-dire celui qui mérite seul qu'on l'adore. D'accord? C'est-à-dire là, qu'on l'adore intérieurement et extérieurement. Hein? Intérieurement, l'amour, la crainte, l'appréhension, la vénération, hein, la pudeur, etc. Tous ces actes d'adoration sont consacrés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis les actes extérieurs, hein, les actes extérieurs, salat, zakat, etc. Tawhid uluhiyya. Louange à Allah, alhamdulillah, louange, je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un aspect de l'adoration. Hein, hein, Seigneur des univers, ça, rububiyya. Seigneur, Rab, Rab veut dire Malik, créateur, roi, celui qui dirige les affaires de ses créatures. Hein? Tarbiya, ça vient de la tarbiya, qui est l'éducation. Hein? Allah nous élève, nous éduque et gère nos affaires. Hein? Roi du jour de la rétribution, la croyance en le jour dernier. Là, c'est la aqida. Hein? Le tawhid des noms et des attributs d'Allah. Hein? Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, tout ça, c'est les... Donc, cette partie, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din, il résume le tawhid et l'aqida. C'est toi que nous adorons, de ce verset, Iyyaka Na'bud, de ce verset découlent les prescriptions, les shara'i' et les lois. Hein? C'est toi que nous adorons. C'est à toi que nous demandons de l'aide, wa Iyyaka Nasta'in, toutes les sciences de la tazkiyah, de l'éducation de l'âme, découle de ce passage-là. Il provient de ce passage-là, il ressort de ce passage-là. Hein? La purification de l'âme, de la purifier l'âme de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, de l'ostentation, et implanter de l'humilité, l'indigence à l'égard d'Allah, hein? Et tout ce qui rend l'adoration sincère, ça fait partie de la tazkiyah, ça sort de ce passage-là du verset Iyyaka Nasta'in wa Iyyaka Nasta'in. Hein? D'accord? Sans wa Iyyaka Nasta'in, sans l'isti'ana, sans recourir à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander son aide, on risque de tomber dans l'ostentation, hein? Hein? L'orgueil, la recherche de l'estime des gens. Hein? Sans l'isti'ana, on risque de s'illusionner sur soi-même, de devenir trop content de sa conformité à la sunna. Hein? Ça y est, masha'Allah, on a laissé pousser sa barbe, on a porté le qamis, hein, le siwak à la main, on prie le fajr, ça y est, on est sur la voie du salaf. Hein? Et on regarde les gens d'en haut. Hein? On se prend pour Yahya ibn Ma'in, pour l'imam Ahmed, ou pour Malik ibn Dinar, ou pour Abdullah ibn Mubarak, ou pour Ali ibn al-Madini, et les gens paraissent tout petits devant nous. Hein? Pauvres gens, ils sont dans l'égarement, ils sont dans la bid'a, dans le kufr, et on verse des larmes de regret. Non, mais c'est pas des larmes de regret en fin de compte, mais c'est des larmes hypocrites. Sans l'istihana, on risque de tomber dans ce genre de fléau. Hein? Ça y est, on se prend pour le groupe sauvé, et les autres font partie on classe les autres dans les 72 sectes qui sont voués en enfer, à moins qu'ils nous reviennent à la raison et au haq. Et bien sûr, le haq, c'est nous qui l'incarnons, nous sommes le référentiel. L'axe, vous savez, en mathématiques, on dit l'axe référentiel, un axe, ça y est, il ne bouge pas, et puis tout bouge autour de cet axe-là. Hein? نعوذ بالله من الضلال كالله نو بريزيرف دو ليغارمون كالله نو بريزيرف دي ميفي دو نو زام نعوذ بالله من شرور انفسنا كوم ديزي البروف صلى الله عليه وسلم افون شاك ديسكور il recourait à Allah subhanahu wa ta'ala et il lui demandait il l'implorait de le protéger contre les méfaits de son propre âme. C'est très important ça. Hein? Si le prophète sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demandait de le protéger, de le prémunir contre les méfaits de sa propre âme, alors a fortiori nous devons faire cette imploration jour et nuit. L'imam ibn al-Qayyim a dit: Tughyan al-ma'asi aslamu 'aqibatan min tughyan al-ta'at. Parole Allah, une maxime. La transgression, il a dit, la transgression qu'inspire les péchés est moins redoutable que la transgression qu'inspire l'obéissance. Parfois, le péché pousse la personne, ça y est, la personne, il n'ose pas lever les yeux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a honte de ce qu'il a fait, et tout, il est plein d'humilité, de contrition, de regret intérieur. Et ça peut, ce péché-là peut le pousser à, subhanallah, à s'élever à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se purifier, comme l'exemple d'Obey Ka'b ibn Malik, l'histoire du repentir de Ka'b ibn Malik quand il a fait défection à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé tous les musulmans, à mobiliser tous les musulmans pour participer à l'expédition vers Tabouk, et lui il n'y a pas participé et il s'est repenti. Son repentir, subhanallah, c'est plus qu'un acte d'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala parle de son repentir dans le Coran. Donc le péché peut inspirer, le péché peut conduire, ça c'est pas un appel. La personne, bien sûr, le croyant doit toujours éviter de tomber dans le péché. Mais il y a des gens qui tombent dans le péché, subhanallah, il a honte de ce qu'il a fait, et son acte le pousse à faire plus d'actes d'obéissance. Mais il y a des gens qui font des actes d'obéissance, qui font des actes d'adoration, mais cette obéissance-là ne leur profite pas parce qu'il les pousse à faire preuve d'ostentation et d'orgueil et à se montrer. Iyyaka nasta'in. Il résume toutes les sciences de la tazkiyah. La 16, zuhd, le détachement, que tu adores Allah comme tu le voyais, comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voir, maqam, le grand maqam de l'ihsan, de l'observation, de l'muraqaba, raviver en soi le sentiment d'être sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il voit en intérieur, ça c'est très important, et oublier les gens dans cette station spirituelle qui est le muraqaba et qui est darajat l'ihsan, qui est un degré supérieur de la foi. Oublier les gens et se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala et sentir qu'on est sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il voit notre intérieur. Parce que c'est le haqa'iq, l'ibra bil haqa'iq. Ce qui compte, ce sont les réalités. Pas les noms, pas les... C'est pas de... Tu peux t'appeler salafi ou sunnite, mais dans la réalité, est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu l'es vraiment? Et ça, c'est le jour de la résurrection où tout est mis au clair. Yawma tubla sara'ir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Tariq, le jour où les intérieurs, le fond intérieur de l'homme sera éprouvé. Surat al-Adiyat, al-Adiyat dabhan fal muriyat qadhan fal mughirat subhan fa asar nabiy naqan fa wasat nabiy jam'a inna al-insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khair la shadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur wa hussila ma fi al-sudur. Hussila ma fi al-sudur, ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans les poitrines sera dévoilé et on saura sa réalité. Donc Iyyaka nasta'in, c'est toutes les ulum de la tazkiyah, ça c'est très important. Alors l'autre grand thème, c'est les histoires des prophètes, les histoires des nations précédentes, le peuple de Nouh, peuple de Houd, peuple de Thamoud, Madian, et tout cela résumé dans le verset اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça résume les histoires des nations et des prophètes. Donc غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non pas celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni la voix des égarés, deux sortes d'égarements qui dévient de la voie de rectitude. Égarement cognitif, égarement dans la connaissance et la compréhension, ça c'est dalin. Hein? Dalin, les égarés. Et égarement dans la volonté, c'est-à-dire ceux qui ont couru la colère divine sans le mardoub alim. C'est-à-dire ils ont connu la vérité, mais n'ont pas la volonté de la suivre à cause des passions, à cause des shahawats, des désirs concupiscents, à cause du matérialisme. Donc, ni la voie des égarés, ni la voie de ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, il résume. Là, on est en train d'expliquer le nom Umm al-Qur'an et Umm al-Kitab. Hein? Les sept mathani. سبع المثاني الله سبحانه البروفيسور صلى الله عليه وسلم الى ابلي لا فاتحه السبع المثاني الى دي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته لست مثاني لسوره الحمد سي لست مثاني لست ليتاني اي لو كوران سوبليم كو جي روسو والقران العظيم الذي اوتيته دون سو حديث لو كوران سوبليم سي ان كاليفيكاتيف دو لا فاتحه. C'est un qualificatif des sept litanies ou sept mathani. Hein? Ça veut dire que parce qu'il ne faut pas confondre, il y a des frères qui tombent dans cette erreur-là. Et quand ils entendent ce hadith-là, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a sab'u al-mathani, wa al-Qur'an al-Azim, ladhi utitu, le surat al-Hamd al-Fatiha, c'est les sept mathani. Et le Coran sublime que j'ai reçu, il croit que c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la Fatiha, puis il parle du Coran sublime. C'est-à-dire du Coran. Non, mais le Coran sublime, le Coran azim, c'est un qualificatif de la Fatiha. Ça veut dire que la Fatiha est en soi appelée Coran azim. C'est du Coran sublime. C'est du Coran sublime. C'est-à-dire une partie du Coran sublime. D'accord? Il est en soi un Coran sublime. C'est du Coran qui a un mérite supplémentaire par rapport aux autres sourates et versets. Vous savez, le verset le plus sublime, c'est le verset Kursi. Hein? C'est le verset Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. D'accord? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mais la sourate la plus sublime, c'est la sourate Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, hein? Nous t'avons accordé les sept mathani ou le Coran al-Azim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ça c'est dans Surat al-Hijr. C'est pourquoi, bon, le Coran al-Azim, c'est l'un des noms de la Fatiha. Le mathani, il dérive du Sana. سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Le mathani, il dérive du Sana. Ça veut dire la louange. La louange. La Fatiha est une sourate de louange. Hein? On dit Athnaytu ala fulan, je l'ai loué. Thana yusni. Yusni, ça veut dire louer. La louange. Louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et la Fatiha, du début à la fin, c'est une sourate de louange. Et si vous voulez. Si j'enlève le changement du sujet dans le verset, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous, c'est à toi que nous demandons de l'aide, et l'autre verset, c'est-à-dire, Ihdina Sirat al-Mustaqim, je vais dire, louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, hein, Al-Ma'boud Al-Musta'an, l'adoré et le soutien. Là, j'enlève le changement du sujet. Al-Ma'boud Al-Musta'an, le guide qui guide sur la voie du rectitude, Al-Hadi ila Sirati Mustaqim, celui qui guide sur la voie du rectitude. Donc, toute la sourate du début et la fin, c'est une sourate de louange. Donc, Fatiha veut dire, c'est une sourate de louange, hein. Et quand on l'appelle sept matani, ça veut dire la sourate des sept louanges. Des sept louanges, puisqu'il comporte sept versets, sept louanges. Le matani peut dériver de la tathnia. Matani peut dériver de la tathnia, qui veut dire répétition. Et bien sûr, la fatiha, on la répète dans toute rakat, dans la prière. Hein? Mathani peut dériver aussi du tathani, qui veut dire doubler. Doubler. C'est-à-dire qu'en plus de la Fatiha, on récite une autre sourate dans nos prières. Et les sept matani sont les sept versets de la sourate al-Fatiha. Mais sur la Fatiha, elle porte d'autres noms, comme al-Ruqya, comme al-Salat, Salah, le hadith Qudsi, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. J'ai partagé la prière en deux parties entre moi et mon serviteur. فإذا قال العبد الحمد لله, quand العبد dit louange à Allah, Allah سبحانه وتعالى dit حمدني عبدي, mon serviteur m'a loué, m'a louangé. Quand le serviteur dit الرحمن الرحيم, quand le serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dit Hamadani Abdi, quand le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Athna alayya Abdi, mon serviteur m'a fait le thana. Et vous savez, le thana, c'est une louange double. Donc le serviteur a dit Alhamdulillah, il a fait une louange, il a dit Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est une autre louange. Donc un hamd double veut dire thana. Athna alayya abdi. D'abord, thana veut dire deux aussi. Hein? Isnaïn, le jour, le lundi, le deuxième jour. Hein? L'ahad, c'est le premier, c'est wahid. L'isnaïn, juge. Hein? Isnaïn, deux. Isnaïn, musanna. Donc, double. Donc, une double louange, c'est un thana. Athna alayya abdi. Si le serviteur, toujours dans le hadith Qudsi, le serviteur dit Maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Majadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Parce que le majd, c'est un hamd accompagné de glorification. Puisque Maliki yawmiddin et Maliki yawmiddin selon la riwaya de Warsh al-Nafi', Malik, ça c'est la gloire, c'est la supériorité, c'est la souveraineté. Donc il convient d'employer le mot majd. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Majadani abdi, il m'a glorifié. D'accord? C'est une louange. Le majd, c'est une louange empreinte de révérence, hein, de magnanimité, de majesté, de royauté. Hein. Parmi les noms de Fatiha, il y a aussi le Munajat. Hein, c'est un entretien confidentiel avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, subhanallah, mais dans ce verset, dans ce hadith Qudsi qui est authentique, qui est rapporté par l'imam muslim, il y a une munajat, il y a un entretien intime entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, et Allah subhanahu wa ta'ala répond Hamadani Abdi. C'est très intéressant ça dans la prière. Quand, cher frère, cher soeur, quand tu pries, ravive en toi, rappelle-toi ce hadith-là. Ravive-le en ton âme, que quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut que tu ravives en toi le sentiment que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des univers, a dit Hamadani Abdi. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, il faut que tu te sentes que Allah subhanahu wa ta'ala t'a répondu, il dit Athna alayya Abdi. Maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala te répond, il dit Majadani Abdi, c'est un entretien entre toi et Allah, d'où le nom Munajat, c'est l'un de ses noms. Ça, c'est le nom, nous avons parlé des noms de l'Fatiha. La sourate al-Baqara, c'est le prophète Sassalam qui l'a appelé sourate al-Baqara. Donc, ce nom-là, c'est par révélation divine. Tawqifi. J'ai parlé lors de l'introduction de Médoros, du lien entre le titre Al-Baqara et la sourate, et comment l'histoire de la Baqara, de la vache, qui est racontée dans 6 ou 7 versets, résume les thèmes de cette sourate. Ça, c'est le lien entre le titre et le thème, hein. Sourate, l'histoire de la vache, quand Moussa alayhi salam il a demandé à son peuple d'égorger une vache, ils lui ont demandé la description, hein? Et là, après, ça s'est terminé par la ressuscitation de la personne qui a été tuée, etc. Bon, j'ai raconté cette histoire. Et j'ai dit que cette, si dans 6 ou 7 versets, elle résume les thèmes de la sourate al-Baqarah. Le tawhid, le ghaïb, hein, le ghaïb, l'invisible, la guidance, l'empêchement de la guidance, tout ça se trouve dans cette petite histoire. Et le Baqarah, elle est appelée aussi Sanam al-Qur'an. Sanam al-Qur'an. Le sommet du Coran. Inna li kulli shay'in sanam wa sanam al-Qur'an sourate al-Baqarah. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Hakim. Al-Imran, la sourate Al-Imran, le prophète sallam, c'est le prophète sallam qui l'a appelé Al-Imran. C'est le prophète sallam. عن النواس بن سمعان حديث النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما le jour de la résurrection le Coran sera ramené avec ses familiers qui mettaient en pratique ses prescriptions les deux sourates al-Baqara et al-Imran Il a appelé Al-Imran, s'avanceront les premiers pour plaider en faveur de ceux qui les méditaient et se conformaient à leurs prescriptions. Les deux sourates, Al-Baqarah et Al-Imran, s'appellent Al-Zahrawain. Al-Zahrawain, comme dans le hadith qui se trouve dans le Sahih de Muslim. Al-Zahrawain, les deux lumières. Parce que Zahra veut dire hein, le modèle lumineux. Qui est une lumière éclatante. Zahrawain, c'est-à-dire bon, les deux lumières, lumière bien sûr de la guidance. De la guidance. Ensuite, Rahmallah, il a cité ensuite la sourate Al-Ma'ida. Al-Ma'ida, il a dit qu'elle s'appelle aussi la sourate des contrats. Sourate Al-Uqud. La sourate Al-Anfal, il a parlé de la sourate Al-Anfal, sourate 8, le butin. Yas'alunaka 'anil Anfal. Et là, Abu Sheikh rapporte que Saïd ibn Jubair a interrogé Ibn Abbas au sujet de la surat Al-Anfal et Ibn Abbas a dit c'est la surat de Badr. Inna surat Badr. C'est la surat qui raconte l'expédition de Badr. La surat Bara'a, elle commence par Bara'atum min Allah wa Rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikeen. Fasihu fil ardi arba'at ashur, des aveux adressés par Allah et son envoyé à ceux d'entre les associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Elle s'appelle aussi Surat Tawbah, dans laquelle se trouve le verset de Tawbah. Laqad taba Allahu 'ala an-nabiy wal muhajirin, laqad taba Allahu 'ala an-nabiy 'ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الله accueilli le repentir du prophète des muhajirin et des ansar qui l'ont suivi dans les moments difficiles, etc. Où il parlait aussi les trois qui ont été mis en arrière et qui ont fait défection à l'appel du prophète pour la participation de la bataille de Tabouk. Les trois dont j'ai parlé tout à l'heure, Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya et un autre. Hein? Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, Miraratu ibn Rabi'a, trois. Les trois. Et ils ont été cités, ils ont eu le privilège d'être cités dans cette sourate-là. Allah, parce qu'ils ont fait un repentir sincère. Et la sourate Bara'a, elle s'appelle aussi As-Sura al-Fadiha, la dénonciatrice. C'est la sourate qui a démasqué les hypocrites. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Ibn Abbas a dit la sourate Tawbah est la sourate dénonciatrice. La sourate dénonciatrice. Mazal tanzil wa minhu wa minhum hatta zannu annaha lan tubqi ahadan minhum illa dhukira fiha. Dans la sourate Bara'a, il y a beaucoup wa minhum man ahada Allah lain atana min fadlihi la asaddaqanna wa la akunanna min ash-shakirin. Il y a beaucoup de parmi eux, il y en a parmi eux, il y en a que si qui ont qui se sont engagés auprès d'Allah en disant: Oh Allah, si tu nous donnes une part de tes faveurs, nous allons faire la sadaqa et tout. Il y a parmi eux, parmi les hypocrites. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a prodigué des bienfaits, ben il a tourné le dos. Parmi eux. Et il y en a qui disent au prophète: autorise-moi, dispense-moi de cette expédition et ne me tente pas, parce que bon, c'est l'exemple d'un des hypocrites. Le prophète lui a dit: il faut participer à la bataille de l'expédition de Tabouk. Il dit: exempte-moi, épargne-moi, parce que moi, quand je vois les femmes des Romains, ben, je suis tenté. C'est un hypocrite. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de parmi eux, il y en a, et tellement ce terme parmi eux, il y en a, que les compagnons ont pris peur. Ils ont dit: peut-être qu'il va nous citer, mais nous-mêmes, il va nous citer, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dénoncer dans cette sourate. Les vrais croyants parmi les compagnons, ils ont eu peur, subhanallah, voilà le vrai croyant, il a peur, il craint qu'ils ne soient touchés par l'hypocrisie. Ils ne sont pas sûrs. C'est pas comme beaucoup d'entre nous. Ça y est, il fait les 5 prières par jour, il participe à la prière du Fajr. Ça y est, il se sent à l'aise, à l'abri dans les. Ça y est, il fait partie du groupe sauvé et il est épargné. Tous les salafs, ils craignaient l'hypocrisie. Ils redoutaient, ils ont peur, ils disent: nous, peut-être on est des hypocrites intérieurement. Ils ont ce khawf, ces scrupules. Et c'est pourquoi, subhanallah, Omar, il appelle cette sourate, il l'a appelée sourate al-azab. Il a dit: c'est la sourate du tourment. Cette sourate l'a fait souffrir. Avec ses sentences et ses dénonciations, il a craint d'être cité parmi ceux qui ont été menacés, voués au feu dans cette sourate-là. Hein? C'est une sourate proche du châtiment. Il a secoué les compagnons. Et il porte aussi d'autres noms. Al-Hafira, Al-Muba'thira. C'est-à-dire celle qui, ça y est, qui étale toutes les cartes. Al-Hafira, il creuse l'intérieur. Il dénonce leur intérieur. C'est pour ça qu'il a tourmenté les compagnons. La sourate Nahl, on l'appelle aussi sourate Na'am. Ni'am, c'est la sourate des bienfaits. Hein? C'est parce que c'est une sourate dans laquelle Allah énumère les bienfaits qu'il prodigue à ses créatures. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Il a mis à votre service la nuit, le jour, le soleil, la lune, les étoiles. Autant de signes pour les gens qui réfléchissent. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre, portant différentes couleurs, différentes formes, autant de signes pour des gens qui se rappellent. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. Il vous a mis à votre disposition la mer, vous pêchez de la viande fraîche, etc. Il y a des bijoux, les perles qu'on trouve dans les coquilles. Donc c'est une sourate qui énumère les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate al-Kahf, sourate la caverne, il y a des hadiths là-dessus, hein, authentiques. Sourate al-Isra, la sourate al-Isra, la sourate 17. Elle s'appelle Surat Subhan. Et elle s'appelle Surat Bani Israël. Elle s'appelle Surat Bani Israël. Donc Surat Al-Isra, vous trouvez même dans certains masahif, Surat Bani Israël. Et elle s'appelle Surat Subhan. Hein? Surat Bani Israël, ils ont été, subhanallah, les fils d'Israël, ils ont été cités en grande partie dans la Surat Al-Baqarah, Al-A'raf et tout. Et pourtant, on l'appelle, Surat Al-Isra s'appelle Surat Bani Israël. Surat Bani Israël. C'est là une leçon très importante. Et c'est-à-dire, les Bani Israël, si c'est les Juifs, parce que bon, la sourate Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, alladhi barakna hawla, hein, gloire et pureté ou transcendance de celui qui a fait voyager son prophète la nuit de la mosquée, al-haram, la Kaaba, à la mosquée al-Aqsa, al-Quds, Leylan, et il a parlé justement, juste après, des fils d'Israël, et il a parlé de Moussa, alayhi salam. Subhanallah, la mosquée al-Quds, il y avait, à l'époque, il n'y avait pas de juifs, il y avait juste les chrétiens à l'époque. Et Allah, subhanallah, il parle directement des fils d'Israël. Il nous annonce que cette terre-là va être prise par les juifs, hein, et par les sionistes. Donc, ça, c'est le côté miraculeux de ces versets-là. Il y a un hadith qui dit que le prophète sallam ne dormait qu'après avoir récité la sourate Zumar et la sourate Bani Israël. C'est un hadith authentique. Hein. Hadith de Aïcha, il est rapporté par Tirmidhi, vous pouvez le trouver dans c'est le hadith sahih du Cheikh Al-Albani. Il ne dormait qu'après avoir récité sourate Zumar et sourate Bani Israël. Sourate Naml, elle s'appelle Sourate Suleyman. Sourate Sajda, Sourate Naml, Sourate les fourmis, elle s'appelle Sourate Suleyman parce qu'il y a l'histoire de Suleyman et du Hudhud, l'histoire de Suleyman quand il a ordonné à son armée d'apporter le trône de la reine de Saba. Sajda, la sourate de la Sajda. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى سورة تسمى سورة المضاجع إل سابيل سورة المضاجع لكوش سادير تتجافى جنوبهم عن المضاجع والله سبحانه وتعالى parle des croyants et dans le flanc se détache du lit, ça veut dire les gens qui se réveillent la nuit pour prier ou qui ne dorment pas, qui veillent la nuit en prière, hein. Allah subhanahu wa ta'ala les loue et c'est d'où le nom al-madaji', les couches ou le lit. Zumar tusamma surat al-ghuraf, la surat Zumar, hein, elle s'appelle surat 39, s'appelle surat al-ghuraf, les chambres. Ghafir tusamma al-mu'min, Ghafir, Sourate Ghafir, le pardonneur, il s'appelle aussi le croyant. Sourate le croyant. Le croyant parce que bon, dans cette sourate, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُبُ إِيمَانًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ. C'est مُؤْمِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. C'est le croyant parmi le peuple du pharaon qui cachait, dissimulait sa foi et il a dit, est-ce que vous allez tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah, qui s'est manifesté ce croyant-là et qui a été tué par la suite. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. فُصِّلَتْ, sourate Fussilat, تُسَمَّى السَّجْدَة. Elle s'appelle la sourate de la prosternation et elle s'appelle aussi sourate al-Masabih. Sourate Muhammad, تُسَمَّى sourate al-Qital. Sourate Muhammad, elle s'appelle la sourate du Qital parce que dans sourate Muhammad, il y a beaucoup. Les versets sur le combat. Rahman, il s'appelle Arous au Coran. Arous veut dire marié. Les faits du Coran. Le Mujadala, il s'appelle. Le Mujadala, dans Mus'haf Ubay ibn Ka'b, il s'appelle Zihar. Surat le Mujadala. C'est-à-dire, sur le Mujadala, celle qui est venue discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la discussion, le Mujadala veut dire la discussion, c'est une discussion qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sahabiya Jalila, c'est Khawla. Ubay ibn Ka'b appelle cette sourate sourate al-Zihar. Al-Zihar, c'est quoi? Zihar consiste à s'interdire toute relation sexuelle avec sa femme en prononçant la formule tu es anti alayya anti minni ou alayka zahri ummi, c'est-à-dire tu es pour moi comme le dos de ma mère, c'est-à-dire une femme à tout jamais interdite. Et la femme là, elle reste frappée d'interdiction tant que le mari ne s'acquitte pas de ce qu'on appelle kafara, hein, l'expiation, soit l'affranchissement d'un esclave En cas d'impossibilité, jeûne de 2 mois consécutifs. En cas d'impossibilité, la nourriture de 60 pauvres. Parce que cette histoire éventuellement parle de Zéhar, Aws ibn Samit, le mari de Khawla, qui a prononcé cet anathème-là. Il a prononcé cette interdiction incestueuse. Il a dit à Khawla, sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et là, Allah révéla les versets sur Zéhar. Sur Zéhar. Bon, inshallah, je m'arrête ici. Je poursuivrai la prochaine fois. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.